besoin de ta main pour y mettre la mienne. J'ai besoin de ton cœur pour y cacher ma peine. J'ai besoin de tes bras pour consoler mes larmes. J'ai besoin de tes doigts pour mettre sur ma peau la chaleur d'un volcan, la fraîcheur d'un ruisseau. J'ai besoin de ta bouche qui pose sur mes lèvres la douceur d'un baiser ou le feu d'une fièvre. J'ai besoin de ta vie pour vivre absolument. Au temps du bonheur et au rythme du temps. Il n'y a qu'avec toi que je connais ces joies. Voilà, c'est tout, tu vois, moi j'ai besoin de toi.